Ma ville en mouvement, pages 20 à 22. L'espace Saint-Fiacre, une identité forte du bien vivre ensemble. Photo de la maquette du futur espace Saint-Fiacre. Le projet phare de la mandature municipale 2014-2020 de la ville de Château-Gontier-Bazouges se poursuit après quelques mois de négociations et d'ajustements des marchés de travaux. C'est le cabinet d'architectes SCM Coquard Colleux Charrier qui avait été retenu dès 2014 pour assurer la maîtrise d'œuvre de la transformation du parc Saint-Fiacre. L'équipement, salle festive et halle polyvalente, sera d'une surface globale de 6000 mètres carrés. Pour le maire Philippe Henry, comme pour Benoît Lyon, adjoint en charge des grands projets, ce chantier doit permettre la valorisation des différents corps de métier, notamment du bâtiment, qui vont s'y succéder. Ce doit être un chantier école, mais également un espace que la population s'approprie dès à présent, comme celui du centre hospitalier du Haut-Anjou, de la médiathèque ou hier du théâtre des Ursulines, insistent les élus. C'est un chantier majeur pour la ville, tant dans son positionnement géographique qu'en raison du montant de l'investissement qui va doper l'économie mayennaise, locale et régionale, ajoute Philippe Henry. Débutée fin juin 2016, la déconstruction de la moitié de la halle au veau, située du côté des caisses, a été réalisée très rapidement. La charpente métallique a tout d'abord disparu, avant que le sol en béton ne soit entièrement supprimé. La majorité des matériaux ont été recyclés. L'acier a été refondu, tandis que le béton a été concassé. La physionomie du parc Saint-Fiacre a d'ores et déjà évolué. Un nouveau point de vue sur la ville et la Mayenne se dessine dès à présent. Les interventions sur les réseaux, eau usée, eau pluviale, eau potable, gaz, fourreaux pour réseau télécom, furent ensuite les travaux préparatoires à la construction du nouvel équipement. Celle-ci démarre dès le premier trimestre 2017. Ce nouvel équipement va profondément reconfigurer les berges de la rivière et apporter au territoire un outil d'animation locale et économique déterminant. Un appel d'offres exigeant. L'appel d'offres relatif au réaménagement du parc Saint-Fiacre comprend 23 lots du terrassement au nettoyage en passant par les menuiseries, la peinture, l'électricité. La ville de Château-Gontier-Bazouges a souhaité porter une attention particulière à certaines caractéristiques des entreprises postulantes. Ainsi, des clauses spécifiques, dites vertueuses, ont été inscrites dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Ces clauses insistent sur l'aspect social et humain vis-à-vis des salariés des entreprises, ainsi que sur l'aspect qualitatif et environnemental des travaux à réaliser. Dans l'acte d'engagement, trois plans suivants ont dû être présentés par les entreprises. Un plan d'assurance environnementale, un plan d'assurance qualité et un plan d'accompagnement emploi, avec notamment l'obligation pour l'entreprise d'utiliser la langue française sur le chantier afin de garantir la sécurité des travailleurs et visiteurs du chantier, ainsi que la compréhension des directives techniques. Les entreprises auront également la responsabilité d'établir une note d'information sociale présentant les garanties de couverture sociale pour l'ensemble des salariés, informer sur la part des salariés en CDI dans la société et le volet formation-apprentissage de l'entreprise. Ce chantier va durer près de 21 mois. Les habitants peuvent toujours suivre l'évolution des travaux en temps réel sur le site internet de la ville de Château-Gontier-Bazouges grâce au système de captation d'images installé au plus près du chantier. 6 planches de photos grand angle montrent l'évolution de la déconstruction de la halle au veau. Quelques dates. Mars 2017, Démarrage des travaux de la halle polyvalente et de la salle festive. Deuxième trimestre 2018. Réception des travaux de la halle polyvalente. Deuxième phase de démolition du foirail actuel. Premier trimestre 2019. Réception des travaux de la salle festive. Le chantier en chiffres. 20 lots attribués à des entreprises, dont 10 lots attribués à des entreprises mayonnaises. 65% du montant des travaux attribués à des entreprises mayonnaises. 8 862 957 € hors taxes, montant total des marchés de travaux. Deux nouveaux bâtiments reliés, dont une halle polyvalente de 3 600 m². 900 places pour la nouvelle salle festive, dont 600 en gradins et 300 au parterre. 1 100 places de stationnement. Site vidéo du chantier en direct. www.chateaugontier.fr/ville/parc-saint-fiacre. Histoire 2. Le parc Saint-Fiacre. Le parc porte le nom de la foire de la Saint-Fiacre, connue depuis le Moyen-Âge. Elle est créée en 1120 par Allard II, seigneur de Château-Gontier, au profit des moines bénédictins du prieuré de Genteil, fondé par l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers au début du XIIe siècle. La foire s'établit près de leur chapelle, dans les prairies en bordure de la Mayenne. En 1468, l'évêque d'Angers Jean III fait don au prieur de Notre-Dame de Genteil d'une relique de Saint-Fiacre, moine irlandais du VIIe siècle et patron des jardiniers. À partir de cette date, chaque année, le jour de la Saint-Fiacre, le 30 août, les pèlerins viennent honorer la relique du saint dans la chapelle avant de se rendre à la foire pour commercer et faire la fête. Elle a toujours connu un grand succès. À la belle époque, les prairies sont décorées pour l'occasion de guirlandes et d'oriflammes et animées par des cafés chantants, des tirs au pistolet, des loteries, des commerces ambulants. De nombreux bateaux font traverser les promeneurs d'une rive à l'autre, ce qui donne à la fête son caractère pittoresque. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les prairies servent au séchage des toiles de lin blanchies dans les lavanderies ou blanchisseries installées en bordure de la Mayenne. En 1849, le comice agricole choisit la fête de la Saint-Fiacre pour organiser ses expositions et concours d'animaux. Il devient alors célèbre dans tout l'ouest de la France. Le foirail est aménagé sur le parc Saint-Fiacre en 1972 pour abriter le marché aux veaux, ce qui met fin à l'activité de l'ancien champ de foire établi sur la rive droite de la Mayenne depuis le milieu du XIXe siècle. La halle du Haut-Anjou, aujourd'hui salle polyvalente, est construite en 1987 pour accueillir à l'origine le marché aux moutons ainsi que des expositions commerciales et diverses animations. Deux cartes postales anciennes montrent l'une un panorama de la Mayenne vu de l'hôpital, l'autre la prairie Saint-Fiacre et sa passerelle dans les années 1920.